sapin, die mes et gant nan tal chuben. Et fiancé, je connais sapin, die mes et gant nan tal chuben. Y'a ton jan de tiroskel.